Chapitre 5. Les débuts de Germaine avaient été retentissants. Elle avait eu ce qu'on appelle une bonne presse. Et dès le lendemain, ce joli paquet d'inutiles qui s'intitule modestement « Tout Paris » s'occupait d'elle. Les commentaires allaient naturellement bon train, et quiconque les eût recueillis et analysés à loisir eût été interloqué par l'ineffable stupidité de ses contemporains. L'énigme présentée au grand public par le petit reporter Jean Rat n'en était que plus mystérieuse et plus irritante. Mais ce point d'interrogation que chacun mettait par la pensée à la suite du nom de Germaine eût certainement pris des proportions monumentales si l'on avait pu suivre, 24 heures après le souper, la jeune femme à travers des pérégrinations réellement stupéfiantes. Il était à peine 6 heures du matin. C'était le jour fixé pour le duel qui devait avoir lieu entre Maurice Vandol et Guy de Maltaverne. Germaine ignorait naturellement la provocation, comme aussi la rencontre machinée par mon Dieu, et qui devait avoir pour dénouement l'assassinat du peintre. Elle sortait seule de l'hôtel à pied, remontait la rue Euler et trouvait au coin de la rue Galilée une voiture où elle monta sans mot dire. Mais est-ce bien Germaine, cette femme si étrangement affublée, enlaidie à plaisir, ficelée à la diable, et rappelant à s'y méprendre une salutiste allant aux prêches? Sur la tête, un affreux chapeau rococo à larges ailes, avec une plume fanée, minable et prétentieuse. Sur le dos, un waterproof étriqué en fourreau, tout râpé, luisant, pisseux. Un vrai décroche-moi ça de 50 sous. À la main, un petit sac en peau élimée, dont l'aisance décousue laissait transparaître une ficelle. Aux pieds, des bottines défraîchies, vaguement rapetassées sous une couche de vernis trop luisant. La figure était méconnaissable. Les beaux yeux de Germaine disparaissaient sous de vastes lunettes au vert teinté et dont les branches venaient s'adapter solidement sur le pavillon rose de l'oreille, toute mignonne sous le bord audacieux de l'antique chapeau. Les cheveux aplatis sur le front et aux tempes, roulés en chignon avec un parti pris d'en cacher la splendeur, formaient ce peloton en forme de brioche si cher aux Américaines et aux demoiselles des postes. Enfin, une abominable voilette marron foncé, semblable à un filet à papillon ou à une moustiquaire, enveloppait la tête et complétait la métamorphose. De cette laideur voulue, étudiée, Germaine semblait n'avoir aucun souci, bien au contraire, et roulait à côté au fond de la voiture qui sortait bientôt de Paris. Sur le siège se tenaient deux hommes, parlant à voix basse, habillés en tenue de ville, très modestes, et sans aucune livrée indiquant des gens de maison. Ils avaient évidemment une consigne, car Germaine, en prenant la voiture, ne leur avait rien dit. Le cheval, qui marchait bon pas, traversa d'abord Asnières et prit bientôt cette route suivie jadis par Germaine dans le coupé qui l'emportait à fond train et que Bobineau, époumonné, suivait aussi sur sa bicyclette. Que de temps écoulés depuis cette nuit maudite, que de catastrophes entassées, que de souffrances endurées injustement. Germaine songeait à tout cela, et sa figure, sous le déguisement grotesque, prenait parfois une expression tragique à mesure que ses douloureux souvenirs traversaient sa pensée. Après avoir longuement roulé à travers la plaine, la voiture arriva enfin chez les époux Mauguin, les braves pêcheurs où Michel et Maurice avaient transporté, après l'avoir arraché des flots, Germaine sans connaissance. Le père Mauguin et sa femme saluèrent avec une familiarité respectueuse la jeune femme qui, après une simple inclinaison de tête, prit le chemin du bord de l'eau et bravement se dirigea vers le cabaret de Lichamort. Le cocher attacha le cheval sous un hangar, lui mit une couverture sur le dos et passa avec Mauguin dans une des pièces de la maison. 5 minutes après, il en sortait avec son compagnon, portant l'un et l'autre une canne à pêche dans leur trousse en toile, une épuisette et une boîte en zinc. Ainsi travesti en pêcheur à la ligne, il suivait Germaine, franchissait la grille aux barreaux mangés par la rouille et s'attablait comme des gens ayant envie de tuer le ver avant de respirer les émanations du fleuve. Germaine, entrée quelques moments avant eux, parlementait avec Lichamort. « Oui, monsieur, c'est à la mère Bachu elle-même que je veux parler. »« Mais, ma petite chatte, répondait le vieil ivrogne, vous me direz bien ce que vous lui voulez. »« Non, c'est un secret qui ne regarde pas les hommes. » Lichamort eut un sourire égrillard, croyant comprendre, et ajouta. « Bon, bon, j'y suis. Un petit péché de jeunesse, on se trouve embarrassé de sa position. Et l'on vient prier cette bonne maman Bachu d'intervenir. » Germaine inclina silencieusement la tête, comme si le vieux sacripant disait vrai, et reprit. « Monsieur, de grâce, prévenez-la qu'une femme demande instamment à la voir. »« C'est que voilà, vous ne paraissez guère calée. Soit dit sans vous enfoncer, ma mignonne, et maman Bachu aime bien l'argent. Je paierai ce qu'il faudra. Allongeriez-vous bien un joli fafio de 500? Un fafio? Je ne comprends pas. Un billet de 500 francs, si vous aimez mieux. Oui. Donnez, ici on paie d'avance. Tenez, fit Germaine en tirant le papier bleu de son sac. À merveille, mon bel ange déchu. Et après l'opération, vous en donneriez bien un encore? C'est le tarif des opérations à maman Bachu. Des petits profits. C'est entendu. Vous êtes une perle. Puisque vous comprenez si bien les affaires, on va séance tenante vous faire venir la déesse. Hey, mère Bachu, ma femme, mon lapin, mon petit sac à vin, ma grosse boule de suie, arrive ici et plus vite que ça. Il y avait au fond du cabaret quelques consommateurs qui ricanaient, connaissant la réputation de la mégère. Les deux hommes qui avaient accompagné Germaine sirotaient à petits coups, en connaisseurs, une bouteille de vin blanc et ne perdaient pas un mot de l'entretien. La mère Bachu s'annonça par une toux catarrhuse et bientôt apparut, coulant de graisse blafarde, les yeux chassieux, la bouche lipue, le nez trognonnant. Lichamor l'arrêta à mi-chemin et lui dit à voix basse « Une pétasse qui a gobichonné un pépin. Est-elle au noyau? A-t-elle de l'argent ?»« Oui, elle a su un demi-sac. Elle a versé 500 francs. Et elle a promis 25 autres œils de perdrix. Louis. Va ben, mon homme. Je vais la conduire au château. » Avec son infaillible coup d'œil de vieille procureuse, la mère Bachu avait pressenti tout ce qui avait échappé à l'immonde Soulard. D'abord, le déguisement sous lequel se devinaient des formes splendides. Puis elle avait admiré en connaisseuse les pieds, la tache des poignets, la bouche, les joues, la nuque. Et elle pensa, un morceau droit ou de financier. J'aurais du plaisir à travailler pour elle et à lui refaire sa virginité. Et elle ajouta aussitôt de son ignoble voix huilée au rogom. Allons, ma belle, suivez-moi. Mon homme vient de me dire que vous avez quelque chose d'important à me dire. Oui, madame, de très important, répondit Germaine d'un ton décidé. Elles traversèrent la cour que la pauvre Germaine affolée avait franchie, poursuivie par les dogues qui la mordaient cruellement, et arrivèrent au château. La mère Bachu prit à son trousseau une clé, ouvrit la porte massive et, précédant Germaine qui frissonnait malgré sa vaillance, lui dit « Je vais vous montrer le chemin. » Elles entrèrent dans cette pièce où Bamboche montait la garde quand elle essayait de s'évader, et la mère Bachu, avançant un fauteuil, lui dit encore « Asseyez-vous et causons. » En même temps, elle s'écroulait sur un autre fauteuil et attendait la confidence. Au premier mot, l'énorme paquet de graisse qui l'enveloppait de la tête aux pieds tressaillit et tremblota comme un monceau de gélatine. L'émotion fut si forte qu'elle cessa pour un moment de graillonner. « Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui que vous exercez la profession lucrative, mes canailles de sage-femme avorteuse. Il y a longtemps que, pour la première fois, vous avez eu affaire à la justice qui vous a condamné sous un autre nom. N'est-ce pas, la Barbette? 2 ans de maison centrale, une première fois, puis 5 ans la seconde fois, puis graciée par la toute-puissante protection d'une grande dame, puis condamnée encore. Tout n'est pas rose, parfois, dans le métier de faiseuse d'ange. « Ah ça! Qu'êtes-vous donc ? » balbutia d'une voix étranglée par l'épouvante la hideuse femelle. « Je croyais que vous veniez ici pour vous débarrasser des... suite d'une fausse... Assez !» interrompit sèchement Germaine. « Je n'avais que ce moyen de vous tenir là, en tête à tête. J'en ai usé. Maintenant, répondez seulement quand je vous interrogerai. »« Ah, mais si je veux !» riposta la vieille, qui reprenait son sang-froid en songeant qu'elle pouvait engager une lutte avec cette femme toute jeune et d'apparence plutôt délicate. « Je pèse mon poing, ma belle, et tu vas voir que je ne suis pas manchotte !» Germaine se mit à rire dédaigneusement. Se dressa, prit entre ses doigts si finement fuselée la lourde patte de la faiseuse d'ange et serra si rudement qu'elle la fit craquer. « Oh là, oh là, oh, oh là, oh là, lâchez-moi, c'est du fer, vos doigts, vous êtes plus forte qu'un homme. Oh là là, vous m'écrasez, pardon, oh, je ferai ce que vous voulez. » « J'y compte bien, » riposta froidement Germaine. « Je tenais seulement à vous montrer qu'il pourrait être dangereux pour vous d'essayer la violence avec moi. » Je voulais, en outre, vous prouver que je vous connaissais bien, mieux encore que vous ne pensez. Vos autres crimes m'importent peu. cette affaire entre vous et votre conscience, si toutefois vous en avez une, et la justice qui vous guette et vous prendra si je veux. Ah, mais j'appellerai à mon secours, il y a du monde pas loin. Je n'ai pas la gueule bonne que pour licher. On va venir. On vous empoignera et je vous ferai foutre à l'eau avec une poids de 20 kilos attachée à une patte. Je me moque autant de vos cris que de vos menaces. Je ne suis pas seule. Et votre cabaret est surveillé par des gens à moi. D'autre part, s'il m'arrivait malheur, vous coucheriez ce soir à Saint-Lazare. Ainsi, pas un mot. Mais enfin, que voulez-vous de moi ? Savoir ce que vous avez fait de Marquisette. Ah, mon Dieu ! Râla tout affolée la mère Bachu. Et ce que sont devenus les deux enfants, Georges et Jeanne. Ah, mon Dieu ! Mon Dieu ! Ah, ah ! Geignait d'une voix entrecoupée la vieille gredine. Personne ne savait rien, non, personne. Qui lui a dit, ah, celle-là, ces choses. Si je parle, et l'autre qui me tuera. Qui ça, l'autre? Lui, je ne peux pas, non, non, non, je ne peux pas dire. Envoyez mon homme au bagne, et moi, m'en aller pour la fin de mes jours là-bas. Si vous parlez, je vous paierai royalement. Si vous vous taisez, avant midi, vous serez arrêté. Seigneur, Seigneur. Tiens, fit-elle en quittant son ton pleurard. Du monde, on vient. Silence, commanda Germaine d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. On entendait effectivement un murmure de voix non loin de la porte, et un piétinement sur place de gens venus là pendant l'entretien. Germaine s'approcha de la porte, pendant que la mère Bachu restait anéantie sur son fauteuil, matée comme une bête mauvaise qui a trouvé son maître. Dans la porte se trouvait un Judas défendu par des barrettes de fer entrecroisées, avec deux coulisseaux pour faire glisser de gauche à droite la planchette fermant l'ouverture carrée. Germaine approcha son oreille et, retenant sa respiration, écouta. Quelques mots lui arrivaient assez distinctement. Il y avait au moins trois interlocuteurs. L'un disait « Ce que vous proposez là est très difficile, pour ne pas dire impossible. Il y aura les témoins, le docteur. » Un autre répondait « Mon cher Guy, quand je me charge d'une entreprise, je n'abandonne rien au hasard. Si vous voulez m'écouter, l'homme est mort sans le moindre danger pour vous. » Germaine frémit. Il y avait préméditation d'un crime dans cette maison maudite et les assassins, ignorant sa présence, complotaient tranquillement sans se cacher ni se gêner. Elle revint près de la mère Bachu, toujours anéantie sur son fauteuil, et lui souffla d'une voix basse, impérieuse. « 5 000 francs. « Si vous vous taisez. Le bagne pour votre homme et pour vous la maison centrale si vous proférez un appel, un simple cri. »« Je serai muette, comme un barbillon, » répondit la avorteuse épouvantée. Germaine entr'ouvrit son sac de cuir et le tint de sa main gauche pendant que de la droite, elle faisait glisser lentement, sans bruit, la planchette du Judas. Elle s'arrêta presque aussitôt et pratiqua ainsi une petite ouverture large, seulement de 2 centimètres, bien suffisante pour voir et pour entendre. Il y avait effectivement 3 hommes. L'un d'eux lui était inconnu, mais il fallut à Germaine toute son énergie, tout son empire sur elle-même, pour ne pas laisser échapper un cri à l'aspect des 2 autres. Elle venait de reconnaître le baron Guy de Maltaverne, que le comte lui avait présenté l'avant-veille à la porte Saint-Martin, et le vicomte de Chamboé, ce personnage suspect dont elle se défiait, à juste titre, depuis son voyage en Italie. Guy de Maltaverne reprit. « Mais enfin, mon oncle, expliquez-vous. »« C'est tout simple, mon cher Guy. » En entendant cette voix, évidemment contrefaite, mais où se retrouvaient certaines inflexions vibrantes, pour ainsi dire métalliques, Germaine eut un nouveau frémissement et sentit une sueur glacée perler à la racine de ses cheveux. Il lui semblait reconnaître le comte de Mondieu dans ce personnage vulgaire, aux traits effacés, à l'abdomen bedonnant, au nez harnaché de lunettes montées en or. Le cœur battant, pressentant quelque chose d'infâme, elle écouta, ne perdant ni un mot ni un détail. Mon oncle continuait. « Notre adversaire, mon cher Guy, viendra seul au rendez-vous. Dans 5 minutes, il sera ici. » Pour ne pas inquiéter sa mère, il est parti par le chemin de fer avec sa boîte à couleurs et une petite toile, comme s'il allait prendre un paysage. Ses témoins, venus dans le landau classique avec le docteur, devaient le retrouver à la porte du cabaret. Mais leur cocher, un homme à moi, les a gentiment versés à 1 lieue d'ici. Pendant qu'ils se dépêtreront et tenteront de rallier le rendez-vous à pied, nous aurons eu le temps de faire notre petite affaire. Soit, c'est très habile de votre part. Mais le duel ne n'aura pas moins lieu. Sans aucun doute. Mais il n'y aura pas le moindre risque pour vous, car je me charge de truquer les pistolets. Encore une malice à moi d'avoir choisi le pistolet, car le peintre tire proprement l'épée. Or, l'épée ne tue pas à tout coup. Et vous en savez quelque chose, puisque Bérézov en a réchappé avec 6 pouces de lame en pleine poitrine. Germaine, haletante, écoutait toujours, comprenant enfin que ce Guy de Maltaverne, qui lui déplaisait d'instinct, était le trop heureux adversaire de Michel. « Oh ! » songeait-elle toute vibrante d'indignation. « Je le vengerai !» La voix de mon oncle continuait, tantôt vulgaire et bredouillante, tantôt vibrante et impérieuse. « Les pistolets seront flambés, puis chargés par moi. Dans l'un, il y aura balle et poudre, dans l'autre, poudre seulement. Je suis habile comme personne pour escamoter une balle. Je vous remettrai naturellement le pistolet chargé. Puis non moins naturellement, je présenterai à votre adversaire celui qui ne renfermera que de la poudre. Vous aurez alors tout le loisir de viser entre les deux yeux et de jeter bas la cervelle en l'air ce drôle qui me gêne prodigieusement. Voilà. C'est parfait, mon oncle. Et vous êtes en vérité un habile homme. Chut ! On vient, c'est lui. Accompagné de Lichamor, dont la face imbibée d'alcool rutilait comme une brique, un jeune homme correctement vêtu de noir s'avançait vers le groupe. Il salua et ne put retenir un geste de surprise en voyant seulement 3 hommes quand il pensait en trouver au moins 6. Et Germaine, crispée derrière la mince ouverture par où filtrait un filet de lumière, se sentait presque défaillir en reconnaissant Maurice Vandol. Maurice, l'ami qui l'avait sauvé, le fiancé de Suzanne. Maurice, que mon Dieu, sous les traits énigmatiques d'une sorte d'agent véreux, voulait faire assassiner. « Ouh ! » murmurait-elle, « ce crime ne s'accomplira pas. Non, je le jure, ils ne le tueront pas. Quand je devrais me jeter entre eux, recevoir à sa place le coup mortel. » Pendant que Lichamor se retirait discrètement après avoir conduit Maurice, mon oncle s'avançait poliment vers le jeune homme, embarrassé de cette absence inconcevable de ses témoins. « Monsieur, lui dit-il, puisque vos seconds ne sont point encore arrivés, permettez-moi, par égard pour votre position réellement ennuyeuse, de rompre avec les habitudes. Nous sommes de loyaux adversaires, et il ne sera pas dit que nous laisserons un galant homme dans l'embarras. Je suis M. Thierry, banquier à Paris. Monsieur est le vicomte de Chambois, mon co-témoin. » Cette rondeur d'allure, cette offre si obligeante et si courtoise de lui tenir compagnie, séduisirent Maurice qui répondit. « Monsieur, vous êtes réellement aimable, et je suis confus de tant de bienveillance. Excusez mes témoins, et veuillez croire qu'un accident seul a pu les empêcher de se présenter exactement à l'heure convenue. Nous les attendrons de compagnie, monsieur, et nous serons enchantés de cette dérogation aux coutumes établies, grâce à laquelle nous pourrons connaître un brillant artiste. Monsieur, tout l'honneur est de mon côté, interrompit Maurice qui se sentait conquis en vérité par tant de courtoisie et de bonhomie. Oh, le misérable, pensait Germaine, il joue avec lui comme un tigre avec sa proie. Mais comment donc faire? Oh mon Dieu, secourez-moi, inspirez-moi. 5 minutes se passèrent et les témoins de Maurice n'arrivaient toujours pas. La situation devenait en vérité intolérable pour le jeune homme qui s'énervait d'attendre. Et cela d'autant plus qu'il lui semblait apercevoir sur les lèvres de son adversaire un vague sourire goguenard qui l'enrageait. Il craignait à bon droit le ridicule et commençait à perdre la tête. À la fin, n'y tenant plus, il arrêta mon oncle au beau milieu d'une anecdote et lui dit sans préambule. « Ma foi, monsieur, puisque nous avons donné une entorse au code de Château-Villard, il n'en coûte guère plus de lui en donner une seconde. Monsieur le baron désire en finir, moi aussi. Vous avez été si obligeant à mon égard que je réclamerai de vous un service qui en sera également un pour mon adversaire. Parlez, monsieur, je ferai tout au monde pour vous être agréable. Pourquoi ne me serviriez-vous pas de second ? J'ai pleine et entière confiance en votre loyauté. Vous dirigerez le combat, et monsieur de Chambois assistera monsieur de Maltaverne, si toutefois il ne voit aucun inconvénient à ce projet. » Guy inclina la tête en signe d'assentiment, pendant que mon oncle lui lançait, au-dessus de ses lunettes, un regard aigu, comme pour lui dire. « Vous voyez comme il donne tête baissée dans le piège. »« J'accepte et de grand cœur, monsieur, » répondit mon oncle, « et je serai digne de votre confiance. » Germaine, crispée, voyait et écoutait, pendant que les minutes s'écoulaient avec une rapidité terrible, ne sachant que faire, craignant de voir dans quelques instants son ami tomber sur le sol et rougir de son sang le sable jaunâtre de l'allée. La mère Bachue, peu à peu, s'assoupissait dans son fauteuil, songeant que 5 000 francs, cela faisait une jolie somme, prête à tout, même à servir Germaine quitte à la trahir aussitôt. Cependant, mon oncle avait ramassé puis ouvert la boîte enfermant les pistolets. « Ces armes, dit-il au peintre, sont entièrement neuves et par conséquent inconnues à monsieur le baron de Maltaverne. Je vous en donne ma parole d'honneur. »« Monsieur, répondit Maurice, de vous une simple affirmation suffit. Je vais les flamber puis les charger en votre présence. » Mon oncle versa une pincée de poudre dans un canon, releva le chien, mit une capsule et serra la détente. Une faible détonation retentit, suivie d'un peu de fumée. C'est ce qu'on appelle flamber une arme à feu dans l'ancien système à percussion. Il recommença l'opération, puis méthodiquement procéda au chargement. D'abord la charge de poudre, mesurée dans la petite poire à bec de cuivre. Puis la balle, un peu plus forte que le calibre du canon, et que l'on enfonce à l'aide d'un maillet en bois dur avec lequel on frappe sur la baguette. Tout cela se faisait sous les yeux de Maurice, avec une apparence de loyauté absolue qui aurait trompé un plus défiant. Le malheureux jeune homme, condamné par le bandit, pouvait-il soupçonner que les pistolets étaient, non pas des armes de combat, mais bien des armes de tir familières à son adversaire qui les avait essayées la veille? Mais chose plus grave et plus criminelle encore, le sac à balles refermait à la fois des projectiles en plomb et d'autres petits corps sphériques en bitume enduits d'une mince couche de plomb. Extérieurement, il se ressemblait à s'y méprendre, mais pendant que les premiers se moulaient sur les rayures de l'arme, pour en sortir avec une force terrible, les seconds s'aplatissaient sur la poudre, comme une boule de cire, pour jaillir en menus morceaux inoffensifs au moment de l'explosion. Il était facile de les reconnaître au poids, et mon oncle ne s'y trompa pas. Comme il avait été convenu entre les misérables, un pistolet fut chargé avec du plomb et l'autre avec l'inoffensive substance que l'on sait. Cependant, Maurice, tout en rendant grâce à ces gens qui s'étaient mis à son service avec tant d'obligeance, ne comprenait plus rien au retard inexplicable de ses témoins. 5 minutes, cela s'explique, mais 20, cela passe les bornes. Décidément, il leur était arrivé malheur. Pendant qu'il réfléchissait ainsi avec un sang-froid superbe, comme s'il n'était pas au moment d'essuyer le feu d'un des meilleurs tireurs de Paris, les derniers préparatifs s'accomplissaient. Les pistolets étaient chargés. Mon oncle les avait déposés tout armés sur le couvercle de la boîte et s'était mis à compter les pas. Un homme soucieux de ménager les adversaires et d'éviter les effusions du sang, il allongeait les jambes pour augmenter la distance et aussi les chances qu'il pouvait avoir de se manquer. Une seule balle devait être échangée au commandement. 23, 24, 25, fit mon oncle en s'arrêtant. Les pas étaient de bons maîtres, et Maurice intérieurement admirait cette prudence de son témoin improvisé qui prenait si obligeamment ses intérêts. Mon oncle planta sa canne au 25e pas, et M. de Chamboué au 1er. Puis il jeta en l'air une pièce de 5 francs en disant « Pile !» La pièce retomba la face en l'air. Guy de Maltaverne avait le choix des places. Il alla se poser en face de la maison, ayant le soleil presque au dos, pendant que Maurice le recevait de 3/4. Circonstance avantageuse qui permettait au baron de viser plus commodément, presque comme dans une cible. Avec une parfaite insouciance, Maurice prit l'autre place et attendit froidement qu'on lui remît son arme. Mon oncle ramassa les pistolets, vint lui en présenter un qu'il prit au hasard, pendant que Bamboche allait offrir l'autre au baron. Ainsi postés face à face, ils se trouvaient de profil par rapport à la maison, dont ils étaient éloignés d'une 15aine de mètres. Mon oncle et Bamboche se retirèrent de l'autre côté, puis s'arrêtèrent en dehors du champ de tir. Germaine, presque défaillante, les yeux agrandis par l'horreur, assistait, impuissante et désespérée, à ces préliminaires de l'assassinat que rien ne pouvait empêcher. Il fallait un miracle. Mon oncle demanda quand il vit les adversaires en position. « Messieurs, êtes-vous prêts ?»« Oui !» répondirent ensemble Maurice et le baron de Maltaverne. Dans le duel au commandement, le témoin qui dirige le combat ordonne ainsi le feu. Il crie « Feu ! 1, 2, 3 !» Les deux combattants doivent décharger leurs armes après le mot de « feu » et avant le mot « trois ». Tout dépend donc de la rapidité avec laquelle ils sont proférés, puisqu'un peu plus ou un peu moins de lenteur est susceptible de donner aux adversaires un temps plus ou moins long pour viser. Germaine, qui savait cela, eut un affreux serrement de cœur en voyant que le crime allait s'accomplir. Un nuage rouge s'étendit devant ses yeux, et d'une voix saccadée que l'angoisse et la colère faisaient trembler, elle gronda. « Non, cela ne sera pas. Ce miracle, qui seul peut sauver Maurice, eh bien, je l'accomplirai. » D'un geste rapide comme la pensée, elle plonge la main dans son sac entrebâillé, en tire son revolver qui se trouve au milieu de billets de banques épars, et l'arme. Elle passe l'extrémité du canon à travers les croisillons de fer du Judas, et domptant l'émotion qui l'agite, vise la tête de Guy de Maltaverne. La silhouette du baron se découpe, énergique et toute contractée sur un épais massif de rhododendron d'un vert foncé. « Feu !» commande mon oncle. Les deux adversaires lèvent en même temps leurs armes. Il continue, le cœur battant, songeant qu'il va être débarrassé de celui qu'il appelle ironiquement le barbouilleur de toile. « Un !» Aussitôt, Guy de Maltaverne frissonne de la tête aux pieds. Il étend les bras, essaie de faire un pas en avant, recule, oscille et lourdement s'écroule sur le dos. Germaine vient de faire feu, et son adresse merveilleuse ne lui a point fait défaut. Avant que mon oncle et Bamboche, atterré, aient eu le temps de courir au baron qu'il croit frappé d'apoplexie, la porte s'ouvre bruyamment, et Germaine, livide sous le voile grotesque dont sa figure est enveloppée, s'élance vers Maurice interdit. C'est à peine s'ils ont entendu le crépitement de la morse bosquette. Leur attention étant sollicitée par le drame si brusquement interrompu par un autre drame dont ils n'ont pas réglé les péripéties. Tout cela n'a pas duré 3 secondes. Guy, frappé à la tempe, se tord agonisant. Et Germaine songe en bondissant vers Maurice. « J'ai tué un homme. Que Dieu m'absolve. » Le peintre, voyant cette caricature arriver jusqu'à le toucher, ouvrait des yeux ébahis et machinalement laissait tomber son arme. Son étonnement fit place à une stupeur bien légitime quand il entendit une voix hachée, méconnaissable, lui balbutier. « Ah, je suis Germaine. Suivez-moi, courons. Il n'est que temps. Ces gens sont des bandits, ils ont voulu vous assassiner. J'ai tout entendu. Venez, mais venez donc. La preuve, votre pistolet n'est pas chargé. » Malgré l'émotion qui ne lui enlevait pas son sang-froid, elle ramassait l'arme, la mettait dans son sac, saisissait Maurice par le poignet et, moitié de gré, moitié de force, l'entraînait vers le cabaret. Pendant ce temps, mon oncle et Bamboche, ahuris, stupides, relevaient Guy de Maltaverne, cherchaient la cause de cette chute foudroyante et finissaient par découvrir, en arrière et un peu au-dessus de l'œil gauche, un petit trou rond, livide, et d'où suintait une goutte de sang. C'est par cette minuscule ouverture que la balle de Germaine s'était faufilée au beau milieu de la cervelle du drôle. Avant que les deux bandits eussent pu même songer à poursuivre Maurice et la femme, dans laquelle ils n'eussent jamais soupçonné Germaine, le peintre et son ami, toujours courant, passaient devant le cabaret et enfilaient le chemin de halage. Les deux faux pêcheurs les rejoignaient aussitôt, et tous quatre arrivaient chez Mauguin, puis montaient dans la voiture qui partait au triple galop.